à neuf, je veux, je voudrais. Urid, urid min fadlak. Écoutez et répétez. Je voudrais un verre d'eau. Urid min fadlak ka'sma. Je voudrais une tasse de café. Urid fanjan qahwa. Je voudrais une chambre pour deux. Urid ghurfa li shakhsayn. Je voudrais un journal français. Urid jarida faransiya. Je voudrais un bon restaurant. Urid mat'am jayyid. Je voudrais boire de la bière. Urid an ashrab bira. Je voudrais acheter un appartement. Urid an ashtari shaqqa. Je voudrais louer une voiture. Urid an astajir sayyara. Je voudrais prendre un taxi. Urid an akhudh taxi. Je voudrais rester quelques jours. Urid an abqa bid'at ayyam. Voulez-vous du poisson? Hal turid samak? Voulez-vous le journal d'aujourd'hui? Hal turid jaridat al-yawm? Voulez-vous votre petit déjeuner maintenant? Hal turid futurak al-an? Voulez-vous une grande chambre? Hal turid ghurfa kabira? Voulez-vous la clé de la chambre? Hal turid miftah al-ghurfa? Voulez-vous boire un verre avec nous? Hal turid an tashrab ka's ma'ana? Voulez-vous jouer au tennis avec moi? هل تريد أن تلعب بالتنس معي؟ Voulez-vous téléphoner à votre femme؟ هل تريد أن تتلفن لزوجتك؟ Voulez-vous voir vos amis؟ هل تريد أن ترى أصدقائك؟ Voulez-vous visiter l'Égypte؟ هل تريد أن تزور مصر؟